une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. Passez une bonne soirée, bienvenue dans ce Planète Rap spécial numéro 1 US. On est ravis de recevoir Monsieur Schoolboy Q. Welcome on Skyrock. Hey, how you doing, bro? Salut-le, dis-lui qu'on est super content de l'avoir avec son troisième album qui est dans les bacs depuis quelques mois maintenant. Thank you for having me. Écoute, il est content d'être là aussi. In Paris, this is my first time out here. Ah, première fois à Paris. Bah, j'allais demander, est-ce que c'est la première fois? Donc, oui, yeah, it's my first time. Ouais, première. Bon, alors quelle image il avait de nous Français avant d'arriver ici? Exactly how it is. Exactement comme c'est. Yeah. Meaning? Yeah. Cigarettes, a lot of cigarettes. Beaucoup de cigarettes. Oui, c'est vrai. A lot of beautiful women. Beaucoup de jolies filles. A lot of people. It's like, it reminds me of New York. Ouais, un peu genre like, New York. Like a lot of tourists. Like you see a lot of European tourists and Australian tourists in New York. You know what I mean? And when I come out here, I see like a lot of Americans. Mm-hmm. And, ouais, quand tu vas en Australie, you know, like, ou à New York, tu vois des touristes européens. Et là, quand il est ici, il voit pas mal de touristes étrangers aussi, des Américains, un truc comme ça. Bon, il est arrivé quand ici en France? Like 6 in the morning. 6 heures ce matin. Ah oui, donc il a pas encore tout vu. No, I haven't really seen, just from what I've seen. Ouais, non, juste, voilà. Déjà de ce qu'il a pu voir, voilà, mais pas grand chose. Mais il a pas vu encore. I haven't been asleep since my show last night. Il a pas dormi depuis son concert hier soir. Voilà. Bon, on va y aller tranquille. Ok, we're gonna go slow. Oh, okay. Donc l'album est sorti, je le disais, il y a quelques mois. On va bien évidemment y revenir. Quel bilan il en fait, lui, déjà? I mean, it's my life, you know. Like, it's called Oxymoron. For one, I sold Oxycontin to get by at one point in my life. For two. Alors déjà, c'est sa vie. Il s'appelle comme il s'appelle parce que c'est ce qu'il vendait à un moment donné pour survivre. Oui. Voilà. Yeah, for two, all the bad that I was doing to do good by my daughter. You know what I mean? That's an oxymoron in itself. And life in itself, living to die, you know. Et ça parle de tout ce qu'il pouvait faire de mal par rapport, enfin, pour le bien de sa fille surtout, en fait. Notamment en oxymoron, tout ça. Ça parle beaucoup de ça, en fait. D'ailleurs, il y a un morceau qui est incroyable qui s'appelle justement je dis pas de conneries, Prescriptions et Oxymoron. Qui est sur l'album, qui dure 7 minutes, qui est un morceau incroyable, justement, où il se confie beaucoup. Yeah. It's two songs in one. Ouais. Ouais, c'est deux chansons en une. Deux chansons en une, en fait. Yeah, I didn't want to put like 20 songs on my track list, and, you know. I have a couple songs like that. Ouais, en fait, c'est arrivé plusieurs fois parce qu'il voulait pas faire un track listing avec 20 chansons. Donc, il y en a qu'il a un peu condensé, en fait. Bon, on entend en tout cas sur ce morceau, c'est vrai que la vie paraît pas super simple. Est-ce qu'elle va beaucoup mieux maintenant? Yeah, of course. You know, I'm not addicted to nothing but marijuana now. Ouais, tout va mieux. Mais la chose seule à laquelle il est addict maintenant, c'est la marijuana, donc ça va. Bah, c'est très bien. Il paraît que ça guérit. Yeah, I stopped drinking and everything. Il boit plus non plus. Donc voilà, tout va bon, bien. Bon, il y a eu donc une époque assez chargée. Je comprends bien. Mais si on revient justement à l'origine, toi, t'es né à Los Angeles? No, I was born in Germany. Ah oui, en Allemagne, pardon, sur une base militaire, oui, c'est on ça. On a military base. Yeah, Wiesbaden. Exactement. Mais très vite, tu vas débarquer à Los Angeles, non? Yeah, like 3 months. Trois ou six mois, ouais. Bah, je peux même pas te demander quels sont les premiers souvenirs parce qu'à mon avis, ils sont très loin et enfouis. My first memories was like a show. S'en rappelle pas. Son premier souvenir, c'est un concert, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a le premier biberon à Los Angeles, il se souvient pas, quoi. Oh, first battle in LA. Oh, no, I don't remember that. Mais alors, c'est quoi le premier souvenir, par contre, musical qu'il a quand il va commencer à grandir? My mama brought me a Snoop Dogg and West Side Connection album. Sa maman lui a amené un album de Snoop Dogg et West Side Connection. Yeah, my mama brought me one, brought it for me, and then used to come in the room all the time and make me cut it off because all the cuss words and the stuff they were saying. Et après, il arrêtait pas de le jouer et sa mère entrait dans la chambre et le forçait à l'éteindre parce que du coup, il y avait quand même beaucoup de gros mots dans l'album. Donc dans toutes les chansons. Ça, c'est la première grosse claque musicale qui se prend. I mean, well, yeah, I mean, if you want to take it back to like hearing my mama play like a lot of G-funk music, you know, like that was coming up around our time. My mom was like a hippie. Sa mère était un peu hippie, donc il y avait pas mal de G-funk aussi et tout. Mm-hmm. Yeah, it was like, you know, like Funky Town and Boosie Collins, stuff like that. My mama was either listening to something super like groovy or like, you know, super sad. C'est soit très très groovy, soit très très triste ce que sa maman écoutait. Schoolboy Q, on le découvre cette semaine et ce soir, notamment entre 20h et 21h dans le Planète Rap spécial US. Et pour bien découvrir son univers, Schoolboy Q, c'est deux morceaux maintenant, dont un live enregistré dans le studio. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. Oh. Yeah. Oh, yeah, Paris, what up? Oh, yeah, oh, get up out your seat, you can have my drink, let me see you dance. Get up off your feet, you can be my freak, let me see you jam. When the sun falls, hey, then the moon lights, might be a hell of a night. Go, go, go, go, go. Shit's real and I just begun. So many ladies wanna share my tongue. Man, it's life of mine. We in the lead, we ain't pressed for time. So that bottle gon' pop. Then my record gon' spin. Then the moles gon' drop. Ain't no night might end. Nightlife in the bright lights. Ayy, swaggin' hard in my Concords. You at the bottom, we the top dogs. We get high as them elevators. Take a sip for me. Now will you hit for me? Now make a dip for me. Now will you ride for me? Will you die for me? Will you jump off a cliff and hit the sky with me? Menage a trois. Full titties, no bra. And no flaws. You, me, and her ball. With no draws. Get high with a guard. I'm a known star. Feeling good, all this money in my bank car. 10 grand in my pocket, nigga, all large. Bush panorama, yeah, four doors. Pedal to the floor, ain't that's what it's made for. I ain't minding if the world stops, said I ain't minding if the world stops. We been living up in hell shop, we been living up in hell shop. So I'ma live it to the top, said I'ma take it to the top. I ain't minding if the world stops, said I ain't minding if the world stops. We been living up in hell shop, we been living up in hell shop. So I'ma live it to the top notch, fuck with me, ayy, yo. Get up out your seat, you can have my drink, let me see you dance. Get up off your feet, you can be my freak, let me see you jam. Hey, when the sun falls, then the moon lights, hey, might be a hell of a night. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Might be a hell of a night, go. Got the whole world trying to figure out Q. You can never find a nigga do what I do. TDE, I'm the nigga from the crew. Hit it one time, that's you on round two. Ghetto chick, but I let them bamboos. No lean, but I chop this crew. She want a groovy type bucket hat dude. Champagne pop, I'm about that life. Molly gon' pop, I'm about that life. Backwood toke, I'm about that life. Living good, might not remember this night. World might end, so I'm living my life. Fuck hanging out, I ain't trying to fly tight. Trying to go to Paris, nigga, hit me on the Skype. Tryna do a show, nigga, 25 the hype. Don't touch me, bitch, I'm famous. Tryna party and bang my fingers. Living large, I'm an entertainer. So cold, but I come with flamers. First sexy up in my closet. Withdrawals while I top deposits. Girl, let me see you stop and pause it. Fuck around, might pay your mortgage. Said I ain't minding if the world stop. But we're living up in hell shot. We been living up in hell shot. So I'ma live it to the top notch. Said I'ma take it to the. I ain't minding if the world stops. Said I ain't minding if the world stop. Been living up in hell shot. Been living up in hell shop. So I'ma live it to the top notch. Fuck with me, ayy. Get up out your seat, you can have my drink. Let me see you dance. Get up off your feet, you can be my freak. Let me see you jam. When the sun falls, hey, then the moon lights. Might be a hell of a night. Go, go, go, go, go, go, go. Hey, hey, go, go. Might be a hell of a night, go. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. Might pull up in my bucket. This nine holds a good dozen. Might slide up in your cousin. Just made a meal and still thuggin'. Niggas banged on me, but they should've shot me. See, I hit the corner, then spot him, got him. Court dates, but I skipped the bail. Rather wig myself before I sit in jail. Need a gang of weed and a pain to lean. Got a hat, say fig on my gangster tip. Don't trust no hoe, I might sock the bitch. I'm apocalypse to your politics. Might cop the phantom, big ghost. I could pay your bills with this coat. Need an extra band for this smoke. See for miles with this scope, nigga. Got an ox prescribed to this dope dealer. Mrs. Piggy want a biggie back. Rock cremation, then caught it crack. I'ma keep on eating till my ankles fat. Sell that fix, throw it across the map. Push my penis in between her lap. Put my semen all down her throat. Tell Tito kilos come off that boat. This the shit that they want. This the shit that they need. Tell me where are you from. Drop your pants to your knees. Girl, I'm capital G. This the shit they gon' buy. Shit, but I'm high. This the shit they gon' want. This the shit that they want. This the shit that they want. Tell 'em, tell 'em, tell 'em. If you see my watch, I might hit it. Might hit it. If you see my check, I might hit it. Might hit it. If you see my house, I might hit it. Might hit it. This the shit that they want. This the shit that they need. This the shit that's from me. This the shit they gon' want. This the shit that they want. That four niggas in a Regal flow. Speeding through the yellow light. Treat my Versace belt like it's a mistletoe. I put everything over yellow rice. Graduated from hella ice. If I stand on my bankroll, nigga, I be scared of heights. And I be dodging the police. When I was poor with no lights. When I was poor with potential. Watch my flow in 4 inches. Oh Lord, she ain't Christians. All gold for my benches. Pull it down and she kiss it. All gold in my wrists. Got a judge, no convincing. Just because I got dread, don't get it twisted. Moving my whip down the boulevard. Word around town, I was selling hard. Hard, and I'm talking about a yayo. Hit on the floor, then I lay low. Amigos take a pass with the pesos. Promethazine, codeine, caseloads. And when I pull up to the valet, you know I got the strippers on payroll. This the shit that they want. This the shit that they need. Tell me where are you from. Drop your pants to your knees. Girl, I'm capital G. This the shit they gon' buy. This the shit where I'm fly. This the shit where I'm high. This the shit they gon' want. This the shit that they want. This the shit that they want. Tell them. See my watch, I might hit it, might hit it. If you see my check, I might hit it, might hit it. If you see my house, I might hit it, might hit it. This the shit that they want, this the shit that they need. This the shit that's from me. This the shit they gon' want. This the shit that they want. This the shit that they want. 100K in my trunk. Keep that bitch with that dunk. She gon' pop in them heels. She must heard of my deal. She gon' roll on them pills. Just don't grab on my hat. This that shit that's Iraq. This that make you climax. This that shit you just bought. This that Q go ham hard. This that car that won't park. Pedal the flow, it won't stop. And just when you thought it won't drop. Oxymoron in stores. Come in kids, lock the door. Knock, knock, knock, hit the floor. Need my bread off the top. Could buy anything off the lot. This that steel, not the grill. Get them slugs off for real. This that curl with the gel. We gon' win, smoke the L. She love my mic, rock the bell. Leave that pool 90 kill. All them hoes run to kill. Spit that truth, make the loot. And spin two whips, we hotbox. Spin two bills on my socks. This that make you cock block. This that make me pop shot. This that filthy convo. This that must be fair grown. This the shit that they want. This the shit that they need. Tell me where are you from. Drop your pants to your knees. Girl, I'm capital G. This the shit they gon' buy. This the shit where I'm fly. This the shit where I'm high. This the shit they gon' want. This the shit that they want. This the shit that they want. Tell 'em, tell 'em. If you see my watch, I might hit it. Might hit it. If you see my check, I might hit it. Might hit it. If you see my house, I might hit it. Might hit it. This the shit that they want. This the shit that they need. This the shit that's from me. This the shit they gon' want. This the shit that they want. This the shit that they want. Schoolboy Q dans Planète Rap cette semaine. Ce soir, entre 20h et 21h, interview exclusive. On va la reprendre dans un instant, l'interview. Et le morceau qu'on écoutait à l'instant en featuring avec 2 Chainz, extrait de l'album qui est dans les bacs, album de Schoolboy Q. Le morceau, c'est What They Want, What They Want, qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock. On parlait du parcours de Schoolboy Q, de là où il est né d'ailleurs. Ce soir, on va non pas faire un freestyle par téléphone, mais de petites questions. Et vous allez repartir avec des ensembles Projet X qu'on peut mater sur la boutique officielle.com. Il y a veste et t-shirt d'une valeur de 105€. Alors, petite question autour de Schoolboy Q. On en a parlé il y a quelques minutes. Où est né Schoolboy Q? Si vous avez la réponse, 41759. Vous envoyez avec votre prénom au numéro de téléphone 41759. Oui, donc on parlait de son arrivée aux États-Unis à l'âge de 3 mois, à Los Angeles, de sa rencontre avec la musique. Et, il paraît lui qu'un matin, par contre, il va se réveiller Et c'est le matin où il se décide de rapper. C'est-à-dire que ça vient naturellement chez lui, le rap. Yeah, ouais, exactly. C'est ça, exactement. Ouais, comme ton accent français qui passe à l'accent américain, bah lui, c'est venu comme ça, le rap. Like how you do that. C'est pas comment je fais, mais... Donc, il y a eu une période délicate, alors, hein. I mean, it just happened, like, I was... Ça s'est produit, quoi. I just did it one day, like, I'm 27, I started rapping when I was, like, 20 or 21. Et alors, il a 27 ans, il a... Ouais, il sait même plus exactement, il a commencé à rapper à 20 ou 21 ans. Ah oui, donc ça arrive un peu tardivement. Yeah, I started rapping late. Ouais, like, c'était tardivement, effectivement. Yeah, my life. Enfin, par rapport à sa vie, oui, c'était tard. Lui, à l'époque, est-ce qu'il aurait pu même imaginer à 20, 20, 21 ans de justement faire carrière dans le rap et de sortir déjà 3 albums ? Nah, not till I was like 23. When I was like 23... I knew it, like, yeah, this is gonna happen. À 20, 21 ans, non, mais vers l'âge de 23 ans, ouais, il a commencé à comprendre et à se dire ça va se produire, ça va se faire. C'était quoi le déclic? Being from TDE, you know, the label I signed. Le label sur lequel il a été signé, c'est TDE. Ils l'ont vachement soutenu dans tout ce qu'il a fait. Donc à partir de là, en fait, ça a été un peu un déclic, quoi. And they believed in it, like everything I did, you know. When I was down, they'd tell me no. Il croyait vachement en lui, même quand il doutait un peu, il le remontait, il lui disait non, continue. Voilà, ils l'ont vraiment beaucoup soutenu. Dans un instant, la suite de l'interview de Schoolboy Q, il nous parlera de ses influences notamment. Et là, on écoute DJ Amida avec Kaina Samet, Rimka du 113 et l'artiste sur Skyrock. DJ Amida avec Kaina Samet, Rimka du 113 et l'artiste déconnecté à l'instant sur Skyrock. On va retrouver Schoolboy Q en interview avec des sons de Schoolboy Q, carrément 15 minutes faciles de sons de Schoolboy Q avant la fin de l'émission, avant de retrouver la radio libre de Default tout à l'heure. Je vous ai posé aussi une question, où est né Schoolboy Q? Dans quel pays il est né? Vous envoyez le message 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone. Vous repartez avec Projet X, la nouvelle marque de fringues, dispo sur la boutique officielle.com avec la veste, le t-shirt d'une valeur de 105€. C'est à choper avant 21h. Et retour du son tout de suite. Elle s'appelle Porcelain Black, produite par Red One, le célèbre producteur. On le retrouve dans un instant. On les retrouve d'ailleurs tous les deux sur ce morceau après ça. Fini pour... Masca et Maître Gims pour Prix pour moi à l'instant dans Planète Rap entre 20h et 21h. On est avec Schoolboy Q. Bravo à Elodie de Sarcelles qui repart avec ses fringues Projet X, c'est-à-dire la veste, le t-shirt. Et merci à Projet X de nous avoir accompagné cette semaine de filer veste, t-shirt d'une valeur de 105€. Elle a répondu à la bonne question, Elodie de Sarcelles. Où est né Schoolboy Q? C'était en Allemagne sur une base militaire avant vite de partir pour les États-Unis à l'âge de 3 mois à Los Angeles. Donc merci à Projet X. Les fringues, vous les mettez sur la boutique officielle. Et on retrouve en interview monsieur Schoolboy Q. Alors, est-ce qu'il y a aussi des influences? C'est vrai qu'on parle souvent, je sais pas lui s'il a vraiment connu cette époque-là, mais toute cette partie entre la guerre du rap, entre la West Coast, la East Coast, est-ce que c'est quelque chose qu'il a suivi ou pas du tout? Justement, en faisant cet album, il a voulu se vider la tête et proposer quelque chose de différent. Of course, I had my fair share of arguments. Il était en plein dedans. I'm from LA, you know what I mean? Ouais, like, oui, il vient de LA. I was young. Mm. You feed into whatever everybody else is feeding into. Ouais, il est jeune, donc forcément, quand on est jeune, à ce moment-là, il se passe des trucs comme ça, bah voilà, on se nourrit de tout ce qu'on entend autour de soi. Of course, I thought we was slaughtering everybody else, you know. Ouais, il s'est dit, on les tue tous, toi, le West Coast, ça se tombait, quoi. Donc, oui, évidemment, il était plutôt West Coast. I mean, I actually like more East Coast rappers than West Coast. En fait, il préférait les rappeurs East Coast. Ah ouais? When you're at war, you gotta go for the home team. Ouais, mais quand t'es à la guerre, il faut aller avec. Aller avec son camp. Exactement, son propre camp. Est-ce que c'est une époque où il se dit, bah, finalement, on aurait peut-être quand même pu s'en passer dans l'histoire du rap? Yeah, could have. Ouais, of course, ça aurait pu, bien sûr. I mean, shouldn't have went on. Ça aurait pas dû se passer d'ailleurs. But I mean, you know, everything is a part of history and we can use it and say this could have changed that or this could have changed that. But at the same time, it's like something's gonna happen regardless, whether it's at that higher state or not. You know, something's gonna happen. Oui, c'est vrai qu'avec des si, on refait le monde dans l'histoire. Mais à un moment donné, les choses arrivent aussi pour une raison et les choses se produisent comme elles se produisent. Bon, alors lui, son histoire, par contre, on le disait, ça c'est le troisième album. Il y en a eu deux précédemment. Il y a des mixtapes aussi, hein, où il s'est fait connaître, bah, comme beaucoup de gens issus du rap via des mixtapes. Quand il fait ça, quand il sort les deux projets ou même les précédentes mixtapes, il est dans quel état d'esprit? I was just trying, you know, like, just giving it a shot. Ouais, c'est un peu pour tâter le terrain, en fait. It was just giving it a shot. I wasn't in no state of mind. I was just like, let me try this, you know. And that's when I came with them two albums. C'était pour essayer, et puis après, il y a eu les deux albums. C'était vraiment pour un peu tenter des choses différentes et vraiment tâter le terrain, comme on dit. Bah alors celui-ci, ceux qui vont prendre l'histoire de Schoolboy Q en route, qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire? Est-ce que c'est vraiment, voilà, comme beaucoup, on le dit souvent, notamment pour le troisième album, est-ce que c'est enfin l'album de l'aboutissement? Est-ce que c'est un autre cap qu'il a franchi avec celui-ci? Yeah, of course, you know, like, just musically. Déjà musicalement, ouais, bien sûr. Way more growth. My music, you know. Il a mûri au niveau de sa musique. Way more maturity, like. I'm just, plus mature. You know, I just know what I want to do now. Il sait ce qu'il veut faire maintenant. I know exactly what I want to do when I'm like before I even go to the studio. Il sait exactement ce qu'il veut faire avant même d'entrer en studio. Et du son de Schoolboy Q, c'est maintenant. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. So I guess I'm gonna sing right now, right? Oh, yeah, oh, yeah. I'm just sitting in the, oh, it's to you, babe. Oh, yeah. But this song's so fucking dope, girl, it's hard not for me to blaze, babe. To tell the truth, wish it was you in this booth that I was blazed. Hey. So I'm just sitting in the studio just trying to get to you, babe. Hey. See, I've been in the studio just trying to get to you, babe. All night laying verses, though I'd rather lay with you, babe. Bra and panties matching Ellen toes, you are kinda lame. My angel out of heaven, such a goddess, have a player pray. Hey, hey, hey, I'm just sitting in the studio just trying to get to you, baby. What? But this song's so fucking dope, girl, it's hard not for me to play. My voice sucks right tell now. Tell the truth, wish it was you in this booth that I was blazing. Yeah. So I'm sitting in the studio trying to yeah. You need a real nigga, shall we? So come in, throw that pussy, shall we? See, I think you and me can make it. This little verse will get you naked. See, your heart ain't meant for breaking. Cupid's never been mistaken. See, I've been caught up in the moment. See, my type is quite a type. But now this gangster nigga own it. She could twist my weed and hit the yak. I can hit your type without the hat. Put that pussy on the map. I see qualities in a bad girl. I know that ass you got come with attitude and your swag, girl. But you ain't wrong, girl. Just want that door knock, lose your thong, girl. Cause girl, cause girl, cause girl, cause girl. I'm just sitting in the studios trying to get to you, baby. Hey. But the song's so fucking dope. Girl, it's hard not for me to blaze. What? To tell the truth, cause it was you in this booth that I was blazing. Hey, what? So I'm just sitting in the studio just trying to get to you, baby. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. Slide. freckles off your face. Frenchie freaking swapping tongues. Click my link and spread your buns. Lose your dental, make it numb. Blow it, baby, no Saddam. Icky, icky, icky, fucking in the car service, thank you for the carpool. Chromosome thoughtful, probably off a narco and gas, not the arco. Popping since the intro, you shopping from the window. Play my favorite tempo. Your favorite song. Translation: Ven aquí, mami, así culo. Tú quiero que mi huevo si papi moreste. Espero chuparse puto pendejo el pinche cabrón. Let's get it nice like this. I'm a knight like this. Sword in my hand, I fight like this. And I'm more than a man, I'm a god. Bitch, touche on guard. Two-play drop and a two-tits pop out of that tank top and bra. And when I say do, do, do, do, bitch, that BK done. She wants some more of this. I give her more of this. I owe her this. In fact, I know she missed the way I floored this. I'm focused. I know my Houston partners drop a four in this. And focus and slow it down, down. All right, let me blow this, bitch. I'm famous. I blame this on you. Cash in the mirror. Hang it, my penthouse roof. Skyline, the clearest project. Your optics popping out. You look the weirdest. Pop my top on the 105. Head with no power steering. Ah. Oh, oh. Luxury. Chitty ching ching. Could buy anything. Cop that. Oh, oh. Collard greens. 3 degrees low. Make it hot for me. Drop that. Oh, oh, oh. Damn. Yeah. Shit. Ching shit. Stop this. Yeah, yeah. With the shit. Hey. Oh, oh, oh, oh. Damn. With the shit. Yeah. This. That. This. Yeah. Damn. With the shit. Bummy nigga oh, famous. Oh, oh. Yeah, straight yeah. From the bottom. Broke niggas hate it. Yeah, still yeah. Never rob them guns. Fragrance, me love marijuana, function on fire. Burn the roof off this month of sight. Wood is calling, go crazy like no other weed. Steady blowing, pass the boy to my mama. Runs in the family, but puff, keep a nigga fiending. On faded, faded, faded, ride shot glass, super size. She gon' get some dick tonight. Meet me at the W and know it's not the west side. Stick it up your south side. Make a year, I spend that on my daughter's shoes. Smoking weed and drinking, all the college students loving you. We gon' turn it out until the neighbors wanna party too. Oh, oh, luxury, chitty ching ching. Could buy anything, cop that. Oh, oh, collard greens, 3 degrees low. Make it hot for me, drop that. Oh, oh, oh, damn, yeah, with the shit, ching shit, stop this. Yeah, yeah, with the shit, hey, oh, oh. C'est extrait de son album avec Kendrick Lamar à l'instant. C'est sur Skyrock dans Planète Rap, spécial numéro 1 US, Schoolboy Q, l'interview. Et beaucoup de monde aussi sur l'album de Schoolboy Q, évidemment, là le morceau avec Kendrick Lamar, beaucoup de featuring. Il y a 2 Chainz, on a passé le morceau tout à l'heure, J-Rock, il y a aussi Raekwon, il y a Tyler the Creator avec Corrupt, Sugar Free qui est présent aussi sur cet album. Est-ce qu'il peut nous dire un mot sur les featuring et toutes ces rencontres Schoolboy Q? I reached out to Corrupt. Me and Tyler, we kind of wanted to work with each other, so it was like a, you know, whenever we free type of thing. En tout cas, avec Tyler, ils voulaient vraiment travailler ensemble. Mm-hmm. Donc, Raekwon, we ran into each other in New York in an elevator, like it was just random. Ouais, Raekwon, en fait, ils sont rentrés dans un ascenseur à New York. Ah ouais, comme ça. Ça. Bon. You know, we changed numbers and ils se sont échangés leurs numéros, you know, et voilà. We sent the record. He was actually in Europe, somewhere in Europe. And, he told me when he get back, he was going to do the verse. And he got, as soon as he got back, he sent the verse back. Il était en Europe à ce moment-là, donc ils sont échangé le numéro, ils sont envoyé les tracks. Il était en Europe à ce moment-là et il a dit je vais faire le refrain. Et quand il est revenu, bah, il a fait le refrain. Et voilà, c'était posé. On a rencontré encore beaucoup de gens dans les ascenseurs ou pas? Tu meet lots of people in elevators? Non, that's the only rapper. Non, c'est le seul rappeur qui est rentré dans l'ascenseur. Une petite dernière question, c'est vrai que bah, il fait partie d'une nouvelle génération, en tout cas, qui a apporté un vrai souffle dans le rap américain, que ce soit des gens comme ASAP Rocky, comme Kendrick Lamar. Lui, évidemment, il en fait partie. Est-ce qu'il y a besoin de ça, justement, aux États-Unis? Comment il jugeait, justement, le marché américain et le rap américain ces derniers temps, lui? Like rap, in yes. Period. Mm-hmm. Yeah, I thought it was good. You know, there's more than just Kendrick and Rocky. You know, so many more. Non, c'est bien. Enfin, il y a plus que Kendrick et. Oui, bien sûr. Non, mais là, c'était voilà. And after, you know, so. Avant et après, hein. Il y en avait avant, yeah, so et alors après. Like, I mean, I'm happy with the new faces. You know. Il est content like, de la nouvelle génération et des nouveaux. Change. It was the same rappers for so long. Oui, c'est vrai que c'était les mêmes rappeurs très longtemps. Donc c'était bien qu'il y ait un peu de nouveauté. Over and over again, like. It was either the same ones over and over again, or like somebody there for a little bit, then they go and they fall off. C'était soit tout le temps les mêmes, soit des nouveaux qui arrivaient, puis après on entendait plus parler. Donc voilà, c'est bien. Bon, est-ce que lui-même, à titre personnel, il se sent dans une compétition, mais une compétition saine, quoi, une bonne compétition dans ce milieu? Yeah, I mean, this is the only music genre where you have like really compete with another person. Ouais, c'est le seul genre musical où il y a vraiment la compète avec d'autres artistes. It's the only genre that cares about record sales, you know, like. Ouais, et c'est le seul genre aussi musical où les ventes de disques importent vraiment. It's like business stuff, you know, like. C'est très business, quoi. C'est plus business que les autres. Rapping is just all flossing, basically. Who got the most, who does the most. C'est qui a le plus, qui en fait le plus, c'est ça le rap. Schoolboy Q avec nous, on va faire tourner la roulette dans un instant, le temps d'écouter aussi un morceau que vous avez demandé, c'est le morceau Man of the Year de Schoolboy Q, à écouter maintenant sur Skyrock, et c'est extrait de son album qui est dans les bacs. Party over here, shake it for the man of the year. Man of the year, man of the bounce. Brassy girls everywhere, titty ass hands in the air. So party over here, shake it for the man of the year. Man of the year, man of the bounce. Home of the party in the trees, sunny lit land of the G's. Please let a nigga breathe. Tank top down for the breeze. Burnt lips, got a blunt full of weed. Peace, love in the means. Nigga, I ain't come for the beef. You ain't no sheep, came for the seat. Got pipes for the cheeks. Nigga, I'm the life for the beef. Fuck that, this year gotta eat. Bounce for the crown. You be hating and I still hold it down. When you round, man, the girls never lounge. Man, I heard you a hound. Rap, man, that bitch need a bounce. Tip, tip, tip, bounce out of gown. Hands tied to the sound. Yeah, I'm the rich nigga now. Bitch, I'm the talk of the town. Make a bitch run the mouth. Yeah, go south for the boy. Pop, pop, pop down to the floor. Bounce, bounce, bounce. Bounce. Party over here, shaking for the man of the year. Man of the year, man of the bounce. Rusty girls everywhere, titty ass hands in the air. So party over here, shaking for the man of the year. Man of the year, man of the bounce. Rusty girls everywhere, titty ass hands in the air. So party over here, shaking for the man of the year. Man of the year, man of the bounce. Slinging on the curb, weed cards every corner sell herb. Watch it fly to a bird. Nigga, I can pitch you a curb. Let the squirrel shit occur. Make meals from a bird. Nigga, cop a crib in the burbs. Nigga, you ain't saying nothing but a word. Smoke something for your nerve. Home of the paid on the first. Then nigga going broke by the third. Bounce for the crown. Fast forward, getting real to me now. Every dog need a cat to meow. Every once in a while, I see hands in the crowd. See white, black blaze in the pound. Jumping around. Tits ass bump out of gown. Bounce from the ground, get height for the sound. This first straight from the morgue. Pop down from the floor. Bounce, bounce. Bounce, bounce, bounce. Yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. So party over here. Shaking for the man of the year. Man of the year. Man of the bounce. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. So party over here. Shaking for the man of the year. Man of the year, man of the bounce. Brassy girls everywhere, titty ass hands in the air. So party over here, shaking for the man of the year. Man of the year, man of the Planet Rap spécial numéro 1 US avec Schoolboy Q et Man of the Year à l'instant sur Skyrock, gros morceau de l'album de Schoolboy Q qu'on a pu découvrir ce soir en interview Schoolboy Q. Et dans quelques minutes, la radio libre de Difool, mais juste avant, on fait tourner la roulette. Skyrock t'offre ta nouvelle tablette Samsung, ton DVD fiston et aussi 50€ de bon d'achat avec la clim. Ça va Tiffany? Oui, ça va. La Dôle de Bretagne, comment ça va là-bas Tiffany? En vacances, ça va, très bien. Repos, boulot? Repos aujourd'hui. Repos aujourd'hui, on va saluer d'ailleurs aussi ceux qui ont eu les résultats du brevet. À l'écoute, bravo hein, si vous l'avez eu. Et puis courage aux autres. Toi Tiffany, le brevet c'est loin? Oui, c'est loin. Ouais, c'est loin. Allez, on fait tourner la roulette. Là, c'est un autre brevet, faut dire stop, c'est assez simple. L'épreuve est simple. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi, Tiffany, sur la case, c'est... Et ben voilà, pour les vacances, 50€ offerts par Lacrim, 50€ de bon d'achat, le DVD Fiston avec Kev Adams, c'est pour toi. On t'envoie tout ça à la Dôle de Bretagne. Oui, merci. Ben de rien, bisous, passe une bonne soirée. Merci, aussi. Ciao, reste avec nous, il y a Difool qui est là, normalement. Est-ce que tout le monde est connecté dans l'autre studio? Pour la radio libre au 01 53 40 30 20. Oui. Ah bah voilà. On est là, Fredo. On est là, Fredo. Je vous ai pris de court peut-être. Oui, oui. Absolument pas. On attendait la roulette. La roulette a tourné. Ah bah. C'est à nous. Voilà, ça y est, on est prêt, Fred. Ça y est. Pas du tout pris de court, non. Non, pas du tout, jamais. Ça, on est en train de courir dans le couloir. Bon, ça va, Fred? Bah, en pleine forme, et vous? Bah, pleine forme aussi. Content de vous retrouver pour ce vendredi en direct. Oui. Avec une surprise. Bon, je vous dis la surprise. On a un footballeur qui viendra. Ah bon? Oui, un footballeur. Encore. C'est la radio du sport, c'est Skyrock. Un Brésilien? La radio de la Coupe du Monde. Non, il est pas vraiment brésilien, non. Non. Non, pas vraiment brésilien. Il vient du Blanc-Ménil, 9-3. Ah, je crois savoir qui c'est. Oui, c'est possible. On y revient dans un instant, on en reparle dans un instant avec vous. Et puis on vous attend, vous tous et vous toutes en direct, hein, dès maintenant, 01 53 40 30 20, tu le disais, Fredo. Et oui, est-ce que je peux souhaiter un bon anniversaire à Marie? C'est quand même le jour J, Fred, oui. Mais oui, ma petite Marie. Oh, merci mon Fredo, j'ai eu ton petit message. Bah ouais, magnifique. Tu sais, moi j'rajeunis, moi. Bah je vois. Je fais l'inverse de tout le monde. Happy birthday, Marie. Merci mon Fredo. Je vois les nombreux messages qui arrivent pour toi. Il y en a plein, plein. Ouais, c'est gentil, merci. Ça n'a pas arrêté sur le Twitter et tout. Merci à vous tous. Oui, si tu veux coucher avec quelqu'un, Marie, ce soir, t'as du. Ouais, non, mais ça va aller, merci. Il y en a qui t'offrait des cadeaux, regarde. Il y a John là, qui laisse un message. Pour fêter ça, je viens boire un coup. Ça, c'est gentil. Et il y en a un autre juste après qui s'appelle Clément qui vient tirer un coup, lui, par contre. Ah, oui, d'accord. Oui, bah là, non. Pour fêter ça aussi. Mais c'est gentil de le proposer, en tout cas. Voilà, de le proposer. Après, voilà. Elle n'est pas obligée d'accepter, mais non. Allez-y, vous pouvez laisser des messages pour la Marie, pour tout le reste aussi. On vous attend en direct dès maintenant jusqu'à minuit avec toute l'équipe qui est là. Et Fredo, semaine prochaine. Et la semaine prochaine, le best-of de la saison Planet Rap. Et ouais. De cette saison 2013-2014. On reviendra d'ailleurs sur voilà, les plus gros lives, les moments délire d'interview à pas louper. Ouais. À partir un petit peu avant 20h dès lundi. Et ben, même là. Le 14 juillet, feu d'artifice. Ah, c'est le feu d'artifice commence dès lundi, à pas louper, ouais. Et ben, on sera là, Fred. Et puis tout à l'heure, la nocturne de Planet Rap, à pas louper non plus. 20h, 21h. Comme il se doit. Planet Rap, juste après minuit, la nocturne. Et entre les deux, la radio libre. C'est parti. Et bah, c'est parti en direct. On vous attend si vous voulez passer dans l'émission. Hein. Vous nous appelez, vous laissez vos messages aussi sur le 41759, le skyrock.fm et les applis. À tout de suite. Et à tout petit Black Eyed. T'as pas mis Black Eyed? Non, non, on peut y aller tranquille. Et bah, c'est pour nous alors. Sur la route. C'est pour tous ceux qui partent en vacances, tiens. En route. Et puis pour les autres aussi. Voilà. Black M en version Skyrock tout de suite. Ciao Fred, à ciao, tout ciao. Ciao. Unis pour parler d'une affaire extrêmement importante. Skyrock t'offre le DVD Fiston.